La déclaration commune du ministère de la Sûreté nationale, le ministère de la Sécurité du Peuple et du parquet central de la République populaire démocratique de Corée inspire de l'esprit de vengeance chez les militaires et civils coréens contre les ennemis qui ont commis le crime ultra-géant. Han Song-guk, officier des forces populaires de l'intérieur de Corée, a insisté sur la nécessité de condamner à la peine capitale la traîtresse Park Geun-hye et la bande de Lee Byung-ho, les pires criminels, à endosser la responsabilité pénale la plus dure selon le code pénal de notre République pour leur complot cruel visant à attenter contre notre direction suprême au bout de tout acte pour leur ambition malsaine de l'unification de régime. Park Chol-min, secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-iliste, Park Il-chu, ouvrière de la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, et Park Il-min, paysan de la ferme coopérative d'Unra de l'arrondissement d'Incheon, ont dit qu'ils ne peuvent pas se contenir à la pensée que les déchets humains comme Park Geun-hye et Lee Byung-ho restent toujours en vie et qu'il faut exécuter sommairement au nom de notre peuple ces pires traîtres qui se sont démenés pour éclipser notre soleil.